chapitre 22e, le mieux est de se débarrasser d'un premier amour. Sir Rupert avait présenté à sa future un cheval bai pur sang, animal magnifique, qui avait été dressé pour Miss Marmaduke par un écuyer en renom. C'est étrange à dire, cependant, la jeune femme, qui n'avait jamais paru fatiguée de galoper par mont et par veau sur le vieux cheval gris emprunté à l'écurie d'un fermier, ne montra pas le moindre empressement à profiter du présent de Sir Rupert. Elle n'avait pas monté le cheval plus de 3 fois. Elle semblait éprouver une antipathie invincible à sortir. Elle prétextait tantôt un mal de tête, tantôt l'horreur qu'elle avait eue du mauvais temps de novembre, quand Sir Rupert demandait à l'accompagner dans sa promenade. Elle répondait avec impatience quand ses sœurs lui parlaient, et elle semblait faire tout son possible pour les éviter. Avec son père, elle était grave et silencieuse. Avec Sir Rupert, froide, réservée et triste. C'était une cour des plus monotones et des plus ennuyeuses. Le baronnet remarquait tous ces changements chez sa fiancée. « Vous êtes pâle comme une morte, Livia, » dit-il un matin, « et vous avez de grands cercles profonds autour des yeux. Je crains que vous ne soyez malade et que quelque chose ne vienne nous séparer. Oh non, Livia, il faut que vous soyez et vous serez ma femme. » Il saisissait deux petites mains et les pressait passionnément dans les siennes, comme s'il eût été saisi d'une crainte soudaine de la perdre. « Olivia, pourquoi ne prenez-vous pas plus d'exercice ? Laura dit que vous vous enfermez dans votre chambre pendant la moitié du jour. Que puis-je faire pour vous plaire ou pour vous amuser ? Je dépenserai en un jour la moitié de ma fortune, si vous le voulez. Que puis-je faire ?»« Rien, » dit-elle, « seulement laissez-moi seule. Je sens que je suis très désagréable. Peut-être même suis-je très méchante. Je soutiens une lutte avec moi-même. » Qu'on me laisse seul, et ce sera bientôt passé. Je redeviendrai ce que j'étais. « Je ne vous comprends pas, Olivia, » répondit son amant, « mais je ferai tout ce que vous me direz de faire, si vous voulez seulement me promettre d'être ma femme. » Bientôt après, Sir Rupert quitta le bocage. Olivia s'accroupit près du feu, au pied de son père, pendant qu'il sommeillait sur son fauteuil. Les 4 sœurs aînées étaient réunies près d'une des fenêtres, profitant des derniers rayons d'un soleil d'hiver. Bientôt, Olivia quitta le tabouret sur lequel elle s'était assise et sortit. Elle revint quelques minutes après, ayant mis son châle et son chapeau. « Au nom du ciel, où allez-vous, Olivia ?» demanda Laura en regardant par-dessus son ouvrage. « Au presbytère de Lesselwood, voir M. Millward, » répondit tranquillement Olivia. « Vous choisissez un singulier moment pour faire une visite, Olivia, » dit Laura. « Je ne savais pas que vous eussiez l'envie de sortir par un temps pareil, sans compter qu'il fera nuit avant que vous arriviez à la cure. » « Vous ferez bien mieux d'attendre jusqu'après votre mariage. Vous irez alors comme Lady Lessel. Walter Remorden doit rester chez les Millward jusqu'après Noël. »« Laura !» s'écria sa sœur. « Vous êtes une vieille fille aigrie et méchante. Vous n'avez pas le cœur la moitié aussi bon que mon chien. Je vous dis que j'irai au presbytère aujourd'hui quand tout Lesselwood serait sur mes talons pour épier ma conduite. Ainsi donc, dites de moi ce que vous voudrez et pensez de moi ce qui vous fera plaisir. Bonsoir. » Après avoir prononcé ces mots, Olivia bondit hors du salon en fermant avec fracas la porte derrière elle. Que dirais-je de mon héroïne? Car malheureusement, toute imparfaite et toute pleine de défauts que soit cette jeune fille, elle est mon héroïne. Qu'en dirais-je? Elle n'a pas un très bon caractère. Elle est pleine de véhémence et de vivacité. Mais d'un autre côté, elle est généreuse et franche et, quand elle a été dure avec ses sœurs, elle vient les trouver une demi-heure après l'escarmouche, d'où elle est sortie victorieuse et les supplie de lui pardonner, en leur montrant une humilité et une contrition telles que ces demoiselles auraient eu en effet le cœur bien dur, s'ils ne fussent pas parvenus à les calmer. Elle a pour son père une affection jalouse et fière, qui ravit le colonel, mais qui lui fait en quelque sorte perdre l'affection de ses autres filles, car Miss Olivia se fâche très fort, si tout autre qu'elle prétend aimer son père. La pluie pénétrante et le brouillard de cette sombre après-midi de novembre l'entouraient de tous côtés quand elle prit la route de traverse qui conduisait de la maison du colonel au village de Lesselwood. Olivia avait mis son chapeau le plus vieux et s'était enveloppée dans un immense châle de laine. Son chien l'avait suivie sans qu'elle s'en fût aperçue, et quand elle eut marché quelque temps, il vint bondir autour d'elle et éclabousser sa robe avec ses pattes de devant pleines de la boue de la route. Elle tomba à genoux sur le sol trempé, et passa ses bras autour du cou de l'animal. « Mon Box, mon fidèle et honnête Box. » Je me rappelle le jour où il se baissa pour te caresser et t'embrasser sur ton front rude et velu. Il pressa affectueusement ses lèvres sur la tête du chien, comme si quelque souvenir lui eût rendu l'animal plus cher que de coutume. « Combien je suis niaise, » dit-elle en reprenant sa route, « combien je suis folle et faible. Que va-t-on penser de moi après cette visite? Quel mal elle va me faire si elle n'en fait pas d'autre? Comme si les choses n'étaient pas assez malheureuses comme cela. Mais il le faut, il le faut !» Elle traversa Littlewood, et passant par le cimetière, elle arriva devant la porte blanche qui conduisait au presbytère. Là, elle s'arrêta et s'appuya quelques minutes contre le mur peu élevé qui séparait le cimetière du petit jardin potager de M. Millward. « J'ai bien envie de m'en retourner, » dit-elle bientôt. « Je crois que la promenade m'a fait du bien. Et au moins, j'étais près de lui sans qu'il le sache. Il n'y a pas de lumière à l'étage supérieur. Il n'est donc pas forcé de garder sa chambre. Il n'est pas l'heure aussi malade qu'on le dit. Il est au salon, sans doute, » dit-elle en regardant par la grande fenêtre d'où filtrait la lumière d'une lampe. « Oui, je vais retourner à la maison. » Elle s'éloignait quand une femme traversa le cimetière en se dirigeant vers la cure. Cette femme, qui était une des servantes du recteur, connaissait bien Miss Marmaduke. Elle la reconnut à son chien Box, qui était aussi familier aux habitants de Littlewood que sa maîtresse. « Miss Marmaduke, » dit la femme, « je me demandais qui pouvait bien être à la porte de notre maître quand j'ai vu votre chien Box, et alors j'ai vu que c'était vous. Vous venez de voir madame, miss ?»« Non, » balbutia Olivia en rougissant sous son voile. « Vous y allez alors, miss, n'est-ce pas ? Madame parlait de vous pas plus tard qu'hier. Elle disait qu'elle voudrait vous voir. Et monsieur Ramordan, miss, vous le rappelez bien, il était si intime avec vous, et votre papa le recevait si bien. Il est venu faire une visite à notre maître, et vous n'avez jamais vu pareil changement, miss. Mais vous allez entrer voir madame, miss, » répéta la femme en s'interrompant. « Oui, » dit brusquement Olivia, « j'irai. » La femme la conduisit par une petite porte du potager et par son jardin bien tenu. Les rangées d'arbres dépouillés de leurs feuilles passèrent comme des ombres sous les yeux d'Olivia, et avant qu'elle eût le temps de se remettre, la femme l'avait introduite dans le petit salon de Mrs. Millward. Il se trouva en pleine lumière en présence de trois personnes, le recteur, qui était assis et en train d'écrire sur une table, sa femme, qui travaillait près du feu, et un jeune homme étendu sur un sofa de l'autre côté de la cheminée. Ce jeune homme était Walter Remorden, l'ex-vicaire de Littlewood. « Ma chère, c'est très bien à vous, » dit Mrs. Millward en pressant les mains d'Olivia. « Je pensais que vous nous aviez tout à fait oubliés. Et voilà que vous avez eu le courage de venir nous trouver ce soir par un temps pareil. Oh, mais votre chalet tout trempé. Je vais le donner à Suzanne pour qu'elle vous le fasse sécher, ma chère, car vous allez sans doute rester prendre le thé avec nous. » Olivia se laissa enlever son châle en silence. Elle n'avait ni parlé ni soulevé son voile depuis qu'elle était entrée. Elle ne répondit pas au salut du recteur ni à celui bien moins cordial du malade. Elle frottait ses gants l'un contre l'autre en tordant et retournant leurs doigts souples. Son chien l'avait suivi dans le salon et se tenait au centre du tapis de foyer, regardant complaisamment autour de lui. Walter Remorden était un homme d'environ 30 ans. Son teint était brun et hâlé par le soleil. Ses cheveux étaient du noir le plus foncé et retombaient sur son front large et bas, en boucles épaisses. Ses yeux étaient gris, grands, clairs et expressifs. Tout malade qu'il était, il était 10 fois plus beau que le jeune baronnet. Il lisait un journal quand Olivia était rentrée et après son léger salut, il en reprit la lecture, le tenant de manière à cacher entièrement son visage. Mrs. Millward avait bien des choses à dire. Elle fit ôter à Olivia son chapeau et je crois bien que le vicaire abaissa un instant son journal. Le Brighton Herald ou le Sussex Mercury, ou quel que fût le journal qu'il lisait, pour regarder le pâle visage de Miss Marmaduke. Olivia répondit à toutes les questions de Mrs. Millward. Elle parla même de Sir Rupert Little et des préparatifs de son futur mariage. Mais elle ne pouvait surmonter l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange dans sa propre voix, et qu'elle devait paraître aussi peu naturelle aux autres qu'à elle-même. Nombre d'années plus tard, elle aurait pu se souvenir du tableau que présentait le petit salon éclairé, le corps couché sur le sofa, les cheveux noirs du vicaire qu'on voyait au-dessus du journal qu'il tenait devant son visage, les rideaux d'un rouge vif et le feu pétillant, les tableaux accrochés à la muraille, le bruit même des tasses et des soucoupes, le frémissement de la bouilloire quand on apporta le thé, tous ces détails insignifiants qui formaient le fond de cette pénible scène de son existence s'imprimaient en un instant et pour toujours dans son souvenir. Après le thé, M. Millward sortit pour assister à une réunion à la sacristie et Mrs. Millward, prenant son ouvrage, s'arrangea pour causer confortablement avec Olivia. Miss Marmaduke avait décidé qu'elle ne prolongerait pas sa visite au-delà d'une demi-heure. Mais elle resta plus longtemps, cédant à plusieurs reprises aux prières de Mrs. Millward de prolonger sa visite quelques minutes de plus, plutôt par l'impossibilité de faire un effort pour s'en aller que par le plaisir qu'elle éprouvait à rester. « Maintenant, ma chère, dit la femme du ministre d'un air triomphant, quand son mari quitta le salon, vous ne pouvez réellement pas vous en aller avant que M. Millward ne soit revenu, car il faut qu'il vous reconduise chez vous. « Papa m'enverra sans doute chercher quand il verra que je reste, » dit Olivia machinalement. Walter Amorden avait laissé tomber son journal et, peu à peu, il s'était mêlé à la conversation. Une demi-heure après le départ de M. Millward, sa femme dut se rendre à la cuisine pour répondre à quelqu'un qui venait lui demander des secours. Restée seule avec le vicaire, Olivia caressa silencieusement son chien qui avait posé sa tête sur ses genoux. « Quand retournerez-vous à votre cure près de Chichester, M. Amorden ?» dit-elle enfin. « Je ne sais pas si j'y retournerai jamais, Miss Marmaduke, » répondit-il tranquillement. « On m'offre une cure à Belminster, dans le Yorkshire, qui promet d'être avantageuse sous tous les rapports. » Elle semblait à peine entendre ce qu'il disait, mais elle continua à tirer les oreilles de son chien en regardant le feu d'un air rêveur. Bientôt elle dit avec une brusquerie étrange, « Walter Amorden, comme vous devez me mépriser !» Il avait été si entièrement calme et maître de lui-même jusqu'à ce moment que, quoiqu'il lui était difficile de ne pas remarquer son agitation, un étranger ne l'aurait jamais cru capable d'une violente émotion. Mais pendant qu'Olivia parlait, son visage changea et il leva une main amaigrie d'un geste suppliant en disant « Par pitié, par tout ce qu'il y a de miséricorde et de douceur chez la femme, ne dites pas un mot pour rappeler le passé. J'ai lutté courageusement. J'ai prié longtemps afin de pouvoir supporter mes souffrances, et ce n'est pas à vous de rouvrir d'anciennes blessures qui sont guéries. « Oui, qui sont guéries !» répéta-t-il avec exaltation. « Je ne vis pour rien en ce monde, si ce n'est pour remplir mes devoirs comme ministre du Seigneur. Dans ce but, je prie pour que la santé et la force m'en reviennent, quoique le ciel me pardonne. Il fut un jour où j'aurais désiré ne jamais quitter cette maison que pour être porté dans une des tombes qui sont là-bas. » Elle n'avait pas quitté le feu des yeux pendant tout ce discours. « Je suis bien heureuse que vous soyez si bien rétablie, » dit-elle avec un rire étrange. « Cela me donne moins de motifs de me reprocher ce qui doit sembler une lâche trahison, et qui est réellement la froide trahison d'une femme ambitieuse et cupide, qui ne songe qu'à ses propres intérêts. Je suppose que le titre de Sir Rupert et que la fortune de Sir Rupert, en contrastant si fortement avec la pauvreté de notre misérable foyer, m'ont ébloui et rendu folle au point de me faire oublier la promesse que je vous avais faite il y a 2 ans. J'ai beaucoup souffert, mais je suis content d'être venu ici ce soir, puisque cela me rassure. Voyez-vous, à force de lire des romans, je m'étais mis dans la tête qu'il était très facile de briser le cœur des hommes. » Elle finissait de parler quand la porte s'ouvrit tout à coup et que Sir Rupert Lissel pénétra dans le salon. Il se jeta sur une chaise, sans ôter son chapeau et sans remarquer la présence du recteur. « Je suis allé au bocage, Miss Marmaduke, » dit-il d'un ton où la fureur était mal dissimulée, « et Laura m'a appris où vous étiez, de sorte que j'ai pensé qu'il n'était pas trop convenable pour la future Lady Lissel de rôder par les rues de Lisselwood, seule, la nuit, et je suis venu ici vous chercher. « Je n'aurais pas erré seule par les rues de Lisselwood la nuit, Sir Rupert, » répondit Olivia, lançant sur le baronnet furieux l'éclair de ses yeux noirs. « Il y a dans cette maison des personnes qui savent aussi bien ce qui est convenable pour Olivia Marmaduke, qui vaut tout autant que la future Lady Lissel, que vous le savez vous-même. Ôtez votre chapeau, Sir Rupert, » ajouta-t-elle d'un ton impérieux, « et permettez que je vous présente à M. Amorden, l'ami de mon père. » Quelques soupçons que le baronnet eût nourris, quelques fureurs jalouses qu'il ressentit, il y avait quelque chose dans la bravoure d'Olivia Marmaduke qui calma aussitôt son amant. Il répondit au salut de M. Amorden par un signe de tête boudeur, et il alla jusqu'à murmurer quelque chose sur le plaisir de faire sa connaissance, condescendance à laquelle le recteur ne fit aucune attention. « Je veux que vous rentriez, Olivia, » dit-il. « Je ne puis supporter la vie sans vous. J'ai dîné au château aujourd'hui, mais je me sentais si triste et si malheureux après le dîner que j'étais obligé de faire sceller l'alezan pour aller au bocage. » « Il pleut bien fort, mais j'ai fait atteler pour vous la carriole de l'hôtel de la Couronne. Venez, venez, Olivia !»« Aussitôt que j'aurai souhaité le bonsoir, Mrs. Millward, Sir Rupert, » dit-elle, et le jeune homme sortit pour donner des ordres au cocher. Dès que Sir Rupert fut parti, Walter Hammerden se leva avec effort du sofa sur lequel il était étendu et se tint devant le feu, à côté d'Olivia, en s'appuyant sur le marbre de la cheminée. « Olivia, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « il n'y a pas de déshonneur à vous demander si ce mariage est irrévocablement arrêté. » « Oui, irrévocablement. Et il n'est plus en votre pouvoir de retirer votre promesse à cet homme. Cela n'est plus en mon pouvoir. » « Que le ciel vous vienne en aide, alors, pauvre fille. Je n'ose pas vous pousser à faire ce que vous trouveriez déshonnête, même pour assurer votre bonheur. Mais, Olivia, pourquoi n'ai-je pas vu cet homme avant que vous lui ayez donné votre parole? Je vous eusse supplié à genoux de repousser ses propositions. J'avais pu penser que peut-être vous ne l'aimiez pas, que sa position avait pu vous éblouir. Mais je croyais qu'au moins c'était un gentilhomme. » Mrs. Millward et Sir Rupert revinrent au salon avant qu'Olivia eût le temps de répliquer. Et 10 minutes après, elle était assise dans la voiture et le baronnet galopait à ses côtés, monté sur sa jument alezane. Elle frissonnait en voyant à travers les vitres battues par la pluie la sinistre figure du jeune homme. « Il me semble que je vais en prison, » dit-elle, « et que voilà mon geôlier. »